Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 5. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد نكروج الإكزارسيس الدرس رابع أولا الأسئلة الكيستيون أجيب عن الأسئلة الآتية أين ذهب أبو إبراهيم أو تالي لو بير إبراهيم ذهب إلى السوق نعم إلى بارتي أو السوق وأين ذهبت أمه؟ إيه وين بارتي سامير؟ ذهبت إلى خالته خالته زينب. ذهبت إلى خالته. لا مجرور إلى خالته زينب. نعم. ثالثا متى رجع إبراهيم من المدرسة؟ Quand est-ce que Ibrahim est revenu de l'école؟ رجع بعد الحصة. الحصة الأولى. الحصة الأولى. نعم. Il est parti. Il est revenu après la première session. طيب ثانيا ضع هذه العلامات الخط أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامات الصليب أمام الجمل غير صحيحة. إبراهيم ابن أختي يوسف. صحيح. صحيح؟ نعم. إنه قال يا خالي. إنه قال يا خالي. نعم. طيب. يوسف عم إبراهيم. خطأ. نعم وخاله. C'est son oncle maternel. أخوات إبراهيم ذهبنا إلى المكتبة. Les sœurs d'Ibrahim sont allées à la bibliothèque. خطأ. نعم. أين ذهبنا؟ إخوة إبراهيم ذهبوا إلى الجامعة. Les frères d'Ibrahim sont allés à l'université. صحيح. نعم صحيح. ما ذهب إبراهيم إلى الطبيب. إبراهيم n'a pas été chez le docteur. خطأ. ذهب إليه. Et on avait dit quoi également? خلاص. فقط ما قصير الدرس. طيب. كيف ننفي فعلا ماضيا؟ كمون في النيجاسيون في الانفير وباسي. مثلا ذهب محمد. محمد est parti. كمون تدي محمد n'est pas parti. ما ذهب محمد. نعم. ما ذهب محمد. Et également, on a pris une autre sœur de Inna. ما هي؟ Anna. Anna. نعم. Et on avait dit quoi? C'est quoi la différence entre Anna et Inna? Inna vient en début de phrase et Anna en milieu de phrase. Non. Et par contre, on dirait li Anna. Li Anna. Ah, avec Fajar. Li Anna ni Marid, Masanen. Parce que. Non, parce que. Yati Jawaben et Souel, li Maza. Il viendra en réponse d'une question débutant par pourquoi. Li Maza, Anta Daif, pourquoi es-tu faible? Takul, li Anna ni Marid, parce que je suis malade. Et bien sûr, on a dit Anna fonctionne comme Inna. Elle a un ism qui vient après et un khabar. Et lorsque c'est un damir, il se yakoun damiran muttasilan. C'est un damir muttasil. Taïm n'trouf le fidders le khamis. Wa la ders, huwa yata'alaq bi al-maf'ouli bi. Umouman. Taïm, Anna sakura al-mudarris. وأنت الطلاب حامد علي هاشم إلى غير ذلك تمام؟ طيب من فتح باب الفصل؟ Qui a ouvert la porte de la classe؟ أنا فتحته. حامد دي c'est moi qui l'ai ouverte. ومن فتح النوافذ؟ Et qui a ouvert les fenêtres؟ أنا فتحتها. علي دي c'est moi qui les ai ouvertes. من كسر هذا المكتب أنت كسرته يا هاشم كي أكسي سبيغو استوى كي لكسي أو هاشم لا إني ما كسرته هاشم يدي نو ce n'est pas moi qui l'ai cassé ou Serge n'est pas cassé أرجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة est-ce que زكريا يا حمزة يا عثمان sont revenus de Mecca لا ما رجعوا Hamid يقول non ils ne sont pas revenus زيد عباس اقرا يا استاذ خرج الطلاب الجدود وذهبوا الى المدير نعم دونك عباس يقول او بروفيسور les élèves sont sortis les nouveaux élèves sont sortis et sont allés chez le directeur مدرس يقول افهمت الدرس يا طلحه as-tu compris le cours او طلحه نعم فهمته جيدا طلحة يقول oui je l'ai très bien compris المدرس أكتبت الأجوبة يا فيصل donc as-tu écrit les réponses au فيصل لا ما كتبتها فيصل dit non je ne les ai pas écrites لماذا pourquoi لأنني ما فهمت الأسئلة فهي لا ما فهمت الأسئلة تو ما فهمت الأسئلة نعم فيصل يقول parce que je n'ai pas compris les questions. المدرس أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم as-tu mémorisé la sourate du Fajr ou Ibrahim نعم حفظتها لا حفظتها وحفظت سورة حفظ وحفظت سورة التين أيضا نعم il dit oui je l'ai mémorisé ainsi que cette sourate التين pareillement aussi dans le درس là n'apparaît pas de mot nouveau tous on les connaît c'est surtout construit sur des ahkam sur des règles et ces règles se rapportent au maf'oul bihi comme cela va venir inchallah طيب الاسئله الاولى التدريب الاول والثاني في البيت طيب يقول كما قلت لك الان ce ders se rapporte au maf'oul bihi le maf'oul bihi c'est un ism qui est mansoub parmi les Asman Mansouba, et c'est celui sur lequel tombe l'action. Vous voyez, sur lequel se rapporte l'action. Et en français, ils appellent ça le complément d'objet direct, le COD. Et il est Mansoub. Il n'est pas Marfour, il n'est pas Majrour, il est Mansoub. C'est-à-dire, soit avec une Fatha, ce qui est l'origine, ou avec d'autres choses comme cela viendra plus tard. Yakul, ta'ammel el-amsilat el-atiya. Médite les exemples suivants. يقول مثلا القرآن طيب القرآن لا إلي كوا القرآن مرفوع قرأ الطالب القرآن طيب donc là c'est l'étudiant a lu ou a récité le Coran donc là le Coran dans cette phrase là قرأ الطالب القرآن قرأ ça c'est un fi'l ماضي طيب c'est un fi'l un verbe passé الطالب على فاعل طيب سان سوجي وهو مرفوع والقران هنا قران il est mafoul bihi طيب l'action on l'a lu sur lui donc il est mansoub avec une fatha autre exemple el kahwatu le café kahwa c'est café يقول شرب الضيف القهوة donc l'invité a bu le café shariba ada fi'l madi ça fait le passé ad-dayfu ada fa'il c'est le verbe le sujet afwan il est marfou wal kahwata huna wa madha maf'ul bih tayyib maf'ul bih troisième exemple ad-darsu kataba al-mudarrisu ad-darsa tayyib donc l'enseignant le professeur a écrit le cours donc kataba fi'l ماضي verbe passé المدرس فاعل c'est le sujet وهو مرفوع الدرس مفعول به منصوب quatrième exemple الباب فتحت Aminatu al-baba. Amina a ouvert la porte. A ouvert la porte. Donc fatahat ada fi'l madi. Ou bel fatah fi'l madi. Et ta, on a dit c'est quoi ta? Ta tanis as-sakina. C'est un harf qui démontre que le fa'il est au féminin. Comme cela vient après, Amina, c'est le fa'il. Amina, c'est le fa'il. Sujet, sujet et le marfou. Ou al-baba marfoun bihi. Donc en dessous, après, tu as fait un khulasa de ce qu'on vient de dire. Wa alaykoum as-salam. Avec Qura'a, al-Talib ou al-Qur'an. Tayyib, Qura'a, fi'al. Al-fa'il, c'est Talib. Ou al-Qur'an, marfoun bihi. رابعا نقول عين الفاعل ومفعول به في الجمل الآتية ذو خط واحد تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به واشكل آخر كل منهما. Donc il dit quoi? De définir, désigner, de définir où le mafoul bihi dans ces phrases suivantes. Et de mettre un trait en dessous du fa'il et deux traits en dessous du mafoul bihi. Et de mettre les harakats, c'est-à-dire de mettre les harakats qui correspondent. Là, je regarde. Ça va, on va le faire de maintenant, Inch'Allah. Toi, tu lis la phrase entièrement et tu mets les harakats et à la fin, tu me dis chaque chose quelle est-elle. كسر الطفل القلم نعم دونك لونفون ا كاسي لو ستيلو كسر الفعل نعم الطفل الفاعل والقلم المفعول به نعم احسنت غسلت امينه المنديله نعم امينه ا لافي لو موشوار او لا سيرفيت دونك غسلت سي الفعل نعم امينه سي الفاعل والمنديله سي المفعول به نعم اكل أسامة أكل أسامة العنب العنب العنب إيش الحركة عنب عنب الحركة أيوة شو الحركة العنب مفتوح كسر أسامة العنبة أيوة العنبة وأكلت زوجته Al-Mawza. Non. Donc Oussama a mangé le raisin et sa femme a mangé la banane. Akala, c'est le fi'al. Non. Oussama, c'est le fa'il. Non. Al-Inaba, maf'ul bihi. Non. Waouh, cela ici, waouh, ça s'appelle Harf Ataf. C'est une conjonction de coordination, c'est-à-dire c'est et quoi. Wa akalat, fi'al. Zawjatuhu, fa'il. Al-Mawza. نعم رابعا شربت البقرة الماء اقرأ واصلا شربت البقرة الماء عيد شربت على بالحركات شربت بقرة الماء شربتي ايوه شربتي البقرة الماء نعم دونك لا فاش بي لو شربت شربت نعم كسر الراء طيب كيزوميه ايوا جيت دو بوزي لا كيسيون سيت كسر الراء سي كوا عايزوم سكون ان كسر الراء ايوا بوكو يا كوز دايا يا ان ريزون سي بو مونتري كو سي فيمينا نو شربتي يو فيت فا مونتري كو لوريجين سي سكون شربت تا تاني ساكنه سولمون لا كون تو في لا ليزون افيك الف ولام دايير Ta, et le tikra sakinein. T'as une rencontre entre deux lettres sakin. Donc tu dis shalibat ti bakara. Voyez, shalibat il bakara tout. Elle met. Quand tu lis assemblé, tu dis shalibat il bakara. Et quand tu t'arrêtes, tu dis shalibat al bakara. Mais la vraie voyelle c'est sukun. Non. Shalibat il bakara tout. Elle met shalibat. Donc c'est le fi'al al bakara tout. فاعل الماء المفعول به نعم خامسا حفظ حمزة القرآن دونك حمزة ميموريزي القرآن حفظ فعل حمزة نعم. الفاعل القرآن مفعول به. نعم. سادسا ضربت فاطمة بنتها. لا. بناتها. لا. Regarde bien. Et n'oublie pas ce quoi d'ers. بنتها. Hmm? بنتها. بنتها. Donc Fatima a frappé sa fille. Alors, ضربت فعل فاطمة الفاعل بنتها المفعول به. نعم بل بنت مفعول به ومضاف وها مضاف اليه. نعم تفضل. قتل الرجل الحية بالحجر. نعم دونك لوم ا توي لو سيربون افيك اون بيير. نعم حيا هنا سي ثعبان سي سيربون. قتل فعل رجل فاعل الحية مفعول به. نعم. بي حرف جر. نعم والحجر مجرور. مش مجرور. ثامنا سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد. Alors, Samia Fial, Bilal Fial. Attends, enfin, avant, on a traduit. Bilal a entendu l'adhan et s'en est allé à la mosquée. Alors, Samia Fial, Bilal Fial, l'adhan a mafoud bihi. Dahaba Fial. Aïwa. Il a. Tabi. Tabi. Kullu Fial in la Fial. كل فعل له فاعل أين فاعل ذهب بلال بلال لا كنا الفاعل ما يأتي إلى الضارب آه إلي أيوة إلى إلي on l'entend pas إلي on l'entend pas on le voit pas on l'écrit pas il est il agit أيوة ما اسمه ضمير لا مستطير مستطير سيمولي تقديره هو سوتوندو هو اي هو يرجع كي بلال. نعم يرجع بلال. طيب ثم الى حرف جر. نعم مسجدي اسم مجرور. نعم طيب ça c'est la version du pays d'islam سمع بلال الاذان وذهب الى المسجد. La version française c'est ذهب بلال من المسجد وسمع الاذان. Parce que l'Aden en France, on n'entend pas. C'est quand tu arrives au musique que tu entends l'Aden, si tu arrives à l'heure. Si tu arrives à l'heure. Non. Comme il y a des bouchons. Non. Attends, il y a Tassian. Alors, كتب المدرس الدرس على سبورتي. Ça. سبورتي. Non. Donc, le مدرس, l'enseignant, écrit le cours sur le tableau. كتب فعل المدرس فاعل الدرس مفعول به على حرف الجر سبورتي اسم مجرور. نعم عاشرا فتح البقال بقال البقال الدكان في ساعتي الثامنة في الساعة الثامنة الساعة الثامنة. نعم donc l'épicier a ouvert le magasin ou le magasin à 8 heures. فتح فعل. نعم البقال فاعل. نعم الدكان مفعول به. نعم في حرف جر الساعة اسم مجرور الثامنة معروف. نعت. نعم نعت. طيب مفهوم أحسنت. خامسا أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة وضبطها بالشكل. Donc il a dit, là il faut que tu mettes un mot qui correspond dans les trous et tu mettes la harakat qui correspond. Donc ça, Inch'Allah, ça y akounu fil bayti. A toi de trouver, Inch'Allah, une sha'ik de toi-même, un mot qui correspond. Saadisan. Ij'al kullan min al-kalimati al-atiyah مفعولان به واثبت آخرها. Donc il veut que tu, les mots qui soient exposés ici, que tu les fasses, que tu en fasses des mafroun bihi et que tu mettes la harakat qui correspond. Tayyib. On va le faire maintenant, inshallah, ça va faire travailler les ménages. Al-Qur'anu. Fais-nous une phrase avec le Qur'an qui soit mafroun bihi et je ne veux pas entendre les phrases précédentes, celles qu'on a déjà lues. Tu veux une nouvelle phrase, inshallah. حفظ الطفل القرآن. طيب. القهوة وكافي. شرب عبد الرحمن. شرب عبد الرحمن. القهوة. شرب من؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. ما الحركات في عبد الرحمن؟ في الرحمن. عبد. عبد الرحمن. ما الحركات في النون؟ Le nom de Rahman, c'est quoi le harakat? C'est quoi Abdullah, comment tu dis? C'est l'Afjalala. Ah, mais c'est quoi le harakat? Abdullah. Malfark, c'est quoi la différence? Abdurrahmani. Non, Moudaf ilay. Non. Sharaba Abdul. Shari. Shariba Abdurrahmani. Al-Qahwata. Non. Al-Tufayhu, la pomme. Non. أكل أكل الطفل لا الطفل ما جابري لسه تخبوزي القرآن لسه أكل بلا أكل أكل أي اسم من الأسماء أكل محمد التفاحة طيب الباب كسر الرجل الباب نعم الدرس حفظ الطالب الدرس نعم القميص القميص وسخ أسامة القميص نعم طيب maintenant il va refaire dans le sabir il va faire une révision de الجملة الاسمية والجملة الفعلية et en même temps comment s'adapte le fa'il dans ces deux phrases là أي الفعلية الاسمية on avait dit quoi que الجملة الاسمية c'est la phrase qui commence par un ism par un nom et ce nom là c'est un مبتدا et on avait pris que الجملة الفعلية تبدأ بالفعل elle commence par un fi'l مثلا يقول الطلاب ذهبوا إلى الملعب Donc les étudiants ont été au terrain de jeu. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi hadi jumla ismiya. Naam. At-tullabu mubtada wa marfu. Dhahabu fi'l wa fa'il hada khabar. Tayyib. Wa ila harf al-jar wa al-mal'ab ism majrur. Wa taht ja bi nafs jumla lakin ja ala fi'liya. En dessous il est venu avec la même phrase seulement il a fait en jumla fi'liya. A le même sens, seulement son statut grammatical et son i'rab il va changer. Yakul dhahaba at-tullabu ila al-mal'abi. Donc là ce serait. Généralement, nous en français, il n'y a pas de jumla fi'liya. Tu trouveras peut-être quelqu'un, pas une phrase qui comprend un verbe. Peut-être à part une question. Ouais. Sinon, en général, tu vas rarement trouver une phrase qui commence par un verbe. C'est presque impossible. On peut dire par exemple, ont été. Les étudiants au terrain de jeu, ça se dit pas. Donc nous, ça va être pareil. Les étudiants ont été au terrain de jeu. Alors, la même traduction. Vous voyez, il y aura la même traduction. Ça, c'est en ce qui concerne le masculin. Donc là, Zahaba, fi'l, mardi. Vous voyez, At-tullabu, fi'l, marfou. Wa ilay, harfou jar, wa mal'ab, ism majrour. Taïb, nafs shay'en, ma'an mouannas.

Donc il faut y aller le muzakkar. Donc il faudra quoi? Un domir, muzakkar, voyez, wajam. Donc c'est qui? Waou jamaa. Comme si tu dis ana zahabtu. Si tu dis nahnu zahabna. Faut que tu remettes, si tu mets un mutada, qui après son khabar, c'est une jumla fi'liya, faut que le fi'il il revienne au mutada. Donc il faut qu'il lui corresponde. Voyez? Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas dire. مثلاً ذهبوا طلاب سنو وجلسنا الطالبات نعم طيب طيب ثامنا يقول قدم الفعل في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال donc il dit il veut que tu mettes le en fait tu transformes cette jumla ismiya en fi'liya que tu places le fi'l en début de phrase. مثلا يقول الأولاد شربوا الكهوة. Donc ça veut dire comment? شربا الأولاد الكهوة. Donc la première phrase c'est une ismiya, الأولاد c'est مبتدا et شربوا فعل وفاعل c'est le khabar. Dans la phrase dans la jumla ismiya fi'liya et ben ça devient quoi? شربا الأولاد et أولاد devient quoi? فاعل directement. والكهوة il est مفعول به dans les deux phrases. En fait, c'est les enfants ont bu le café. Donc, tu fais pareil avec les autres phrases. On fait maintenant, Inch'Allah. Thanyen. An-nasu sami'u al-adhan. Donc, les gens ont entendu l'adhan. Sami'a an-nasu al-adhana. Nam. At-tullabu katabu al-ajwibata. Les élèves ont écrit les réponses. Kataba at-tullabu al-ajwibata. Nam. At-talibatu dakhalna al-fasla. Donc les étudiantes sont rentrées dans la classe. Dakhalat at-talibat al-fasla. Naam. Al-mudarrisuna kharaju min al-fusul. Donc les enseignants sont sortis des classes. Kharaja al-mudarrisun al-mudarrisun. La. Al-mudarrisuna yas kamil. Al-mudarrisuna al-fasla. Min al-fasli. Min al-fusul. Min al-fusul. Naam. زملائي رجعوا من مكة. Mes camarades sont revenus de Mecca. رجع زملائي من مكة. نعم. أخواتي غسلنا القمصان. Donc mes sœurs ont lavé les camis. غسلت أخواتي القمصان. نعم. التجار فتحوا الدكاكين. Donc les commerçants ont ouvert les boutiques. فتح التجار الدكاكين. نعم. الطبيبات ذهبنا إلى المستشفى. Donc les médecins femmes sont allés à l'hôpital. ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. إيش عيد مسامير؟ ذهبت. نعم. الطبيبات إلى المستشفى. نعم. الطلاب فهموا الدرس. Les étudiants ont compris le درس. فهم الطلاب الدرس. نعم. وأنت منهم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. Donc là, il va sortir un jadwal, une espèce de tableau qui affirme ce qu'on vient de dire. Il dit تأمل الأمثلة الآتية. Médite sur ce qui suit. أولا خرج الطلاب وذهبوا. Donc là, regarde. La phrase est divisée en deux. Première partie, Kharaja at-tullabu. Kharaja fi'l. Vous voyez, at-tullabu fi'l. Thumma, ashyati waw. Waw al-ataf. Et en fait, pour ce qui suit derrière. Wa zahabu. Donc là, on a une deuxième phrase. Vous voyez, verbale. Jumla ismiya fi'liya ukhra. Wa zahabu. Fa zahaba. Ada fi'l madi. والواو جماعة رفعين واو جماعة يكواس موكي الطلاب نعم سيسي بو فيدي كوا لي ريبيتيسيون بوك ديز خرج الطلاب وذهب الطلاب سي لوغ دونك لا تتليز دومير ساش كان دومير اي نو سوتيليز كو سي لي بريزيدي بار ان اسم ظاهر ان نو ابارون ان دومير يجي با تو سول ان دومير دو ات لي ا كيكو شوز دو كونو مثلا جو تي دي هو اتا تم جامد هو

طيب الحياتة l'enfant a frappé le serpent. Enfin maintenant, on peut changer la chose pour que le mafoul bihi soit un damir. طيب. Donc je veux dire comment? Si jamais le damir il vient muttasilan, c'est un mafoul bihi, tu veux dire quoi? Daraba ha. Et là le ha, il revient à qui? Haya, serpent. Et lui, il est mafoul bihi, sauf que là c'est un damir. Mathalan yakul man fataha al baba. Qui a ouvert la porte? Voilà, mafoul bihi, il est où? Où? Là, man fataha al baba. Et là, mafoul bihi? Ah, al baba. Al baba. Enfin, on va changer le baba, on va faire en sorte que ça vienne à quoi? Un damir. On va dire, ana fatahtuhu. Et où il vient à quoi? Abab. Nam. Pour parler, encore faire de la répétition, dire Anna fatartu al-bab, qui a ouvert la porte, c'est moi qui ai ouvert la porte. Non, c'est moi qui l'ai ouverte. Comme dans notre langue, ça se dit pareil. Enfin, notre langue, leur langue. Enfin. Man fataha al-nawafidh, qui a ouvert les fenêtres. Donc, l-n, aina al-mafoulubi al-nawafidh, les fenêtres. Pour le mettre en domir, tu vas dire, quand tu vas répondre, Anna fatartuha. Taïeb, fauna al-ha. Damir Moutassil, c'est un Damir Moutassil, et c'est lui Mafoul Bihi. Il revient à quoi? Nawafidh. Comme je t'ai dit, un Damir, il vient toujours précéder d'une chose qu'il éclaircit avant. Il y a toujours une chose qui l'explique, qui l'interprète avant. Il ne vient pas tout seul. Là, ça donne un coup de lac. T'as coup de l'ichas. Hel, hafista al-Qur'ana. Il va te dire, nam, hafistuhu, au. لا ما حفظته طيب وله يرجع الى ماذا القران وكذلك تقول من اكل الخبز كي ا مانجي لو با فدير انا اكلته فله هو يرجع ا كوا ا خبز ainsi de suite et si c'est féminin comme nawafi ça va être ha طيب maintenant il dit les kalimati jadida les nouveaux mots العنب raisin. نعم raisin. جواب الجمع أجوبة réponse نعم حياة جمع حياة ça c'est serpent حياة c'est un serpent كفي كل تعالى فإذا هي حياة تسعى d'un coup elle est un serpent qui gesticule, je sais pas. C'est quoi ce mot ça? El mouz. C'est quoi le mouz? C'est banane. Banane, non. Su'al, jam as'ila. Question. Question. Samia, ça c'est un verbe. Entendre. Entendre. At-tin. L'argile? Là, c'est pas at-tin avec le temps. Ah, comme le swat. والتين والزيتون وطول السنين فيجين نعم البقال سي ليبيسيي فاهمة على فعل كي بدي كومبران الفجر سي لوب العصا باتون Chariba, boire. Non. Donc le khulas bidjar, c'est qu'aujourd'hui on a pris maful bihi. Vous voyez, on a dit c'est wal ism al mansoub allazi waqa'a alayhi fi'l. C'est le nom mansoub sur lequel se produit l'action. Et il peut être ism zahir, ça peut être un nom apparent comme مثلاً daraba al walad al hayata. Donc la hayata va être اسم ظاهر مفعول به او ضربها ضمير يبقى هو اسم ظاهر هو ضمير متصل on a pu aussi comment formuler une phrase avec les jumla ismiya ou fi'liya que lorsqu'on fait une jumla fi'liya le verbe il vient au singulier le sujet vient après là on te dit ذهبَ الطلاب et non pas ذهبوا الطلاب تمام Voilà. Elle a des questions? Non. Ma'indi. Très bien. On a fait bien là, on a tout, alhamdoulillah, rabbil alamin.